Histoire actualité comme tous les vendredis dans la fabrique de l'histoire, actualité de l'histoire des femmes et du genre, ce matin au lendemain de la journée internationale du droit des femmes. Pour commencer cette émission d'actualité, nous célébrerons la 40e édition du Festival du film de femmes de Créteil qui commence justement aujourd'hui à Créteil avec Jackie Buet, sa directrice. Une édition qui rend hommage à une grande cinéaste qui a mis l'histoire au cœur de son œuvre, Margaret von Trotta, mais aussi à bien d'autres auteurs et réalisatrices européennes, puisque l'Europe et les femmes est le thème de cette édition, 40e édition du Festival du film de femmes de Créteil. Puis en deuxième partie, c'est d'Europe des femmes dont il sera également question avec l'historienne Julie Legac, qui a coordonné avec Fabrice Virgili un livre collectif, L'Europe des femmes, 18e-21e siècle, chez Perrin. Un livre qui rassemble de grands textes, pour beaucoup inédits et traduits pour l'occasion, sur cette histoire des femmes en Europe depuis le XVIIIe siècle. Enfin, comme tous les vendredis, nous écouterons un grand texte de presse avec le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, Retro News. Aujourd'hui, un texte très fort sur le lynchage aux États-Unis dans les années 1930. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à Warner Brothers pour faire l'essai de maquillage. C'était la première fois où j'étais devant la caméra. 1981. Bon, on vous met dans une, comme les actrices savent tous, dans une chaise qui ressemble un peu à une chaise de dentiste. Jane Fonda. Tu vois des gens, des chefs de département de maquillage, de plus grands studios de Hollywood, des types très très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbo, Lombard, tous les autres. Bon, alors ils m'ont travaillé là, le visage. Et puis ils m'ont redressé et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne, quoi, qui sortait avec les sourcils qui étaient un peu partout, des lèvres comme une aigle qui était énorme. Ils m'ont dit qu'il fallait que je tâte les cheveux blondes parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Et puis le dernier... Oh oui, ils voulaient que je fasse casser la mâchoire. Briser la mâchoire par une dentiste pour creuser les joues. Creuser les joues. J'avais des belles joues d'adolescence un peu. Et puis Joshua Logan, en plus, qui était le metteur en scène et qui est aussi mon, how do you say, godfather, mon parrain. Mon parrain. Un jour, avec le nez que tu as, tu vas jamais pouvoir jouer la tragédie parce qu'on ne peut pas le prendre au sérieux, ce nez-là. Et puis dernièrement, le mot est venu d'en haut que Jack Warner, le chef du studio, voulait que je mette des faux seins. Ben, il n'aimait pas des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Alors la mâchoire, quand même, il l'a pas arrangé, ni le nez, mais j'ai porté des faux seins et des cheveux blonds et les cils pendant 10 ans, quoi. Ce qui veut dire que moi, Jane Fonda, était là, et puis cette image était là, et il y avait cette aliénation entre les deux. Bonjour Jackie Buet. Bonjour. Merci d'être ici pour évoquer le 40e anniversaire du Festival du film de femmes de Créteil qui commence aujourd'hui et dans lequel on pourra revoir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig avec des images signées Carole Roussopoulos, un documentaire de 1976 où Delphine Seyrig interviewe de grandes actrices, Marie Dubois, Juliette Berthaud, Patti d'Arbanville, Jane Fonda, on vient de l'entendre, Cindy Williams et encore d'autres. Shirley MacLaine, bien évidemment, sur la place faite aux actrices dans le cinéma, et pas simplement le cinéma hollywoodien dont parle Jane Fonda, mais c'est extraordinaire parce que ça a donc plus de 40 ans, cette archive, ce film, donc on savait. Oui, on actualité. Savait on savait ce qu'on croit redécouvrir avec l'affaire Weinstein. Tout à fait. L'actualité nous donne raison d'avoir reprogrammé ce film en partenariat avec le Centre Simone de Beauvoir, qui distribue ce film, qui comporte, vous l'avez dit, un certain nombre de très beaux témoignages, dont celui de Maria Schneider, qui par ailleurs est venue à Créteil. Et à l'époque, quand elle est venue à Créteil, elle a parlé de ce harcèlement qu'elle avait subi sur le tournage du dernier tango. À Paris ? Ouais, à Paris. Et donc, on est dans l'actualité 40 ans après, parce que les choses évoluent très très lentement. On est au cœur du problème, c'est la modélisation, c'est l'image de la femme. Et cette espèce de stéréotype qu'Hollywood a voulu en faire, en espèce de poupée Barbie. Et pas simplement Hollywood, puisque Bertolucci n'était pas encore un cinéaste hollywoodien, il le deviendra plus tard en l'occurrence. Ouais. Certes, Marlon Brando était une grande star hollywoodienne quand il tourne Le Dernier Tango à Paris avec Maria Schneider. Donc cette histoire de la place des femmes dans le cinéma, elle commence avec la naissance du cinéma, puisque... Très vite, par exemple en France, on a eu une pionnière, Alice Guy, qui a tourné la manivelle et donc pris la place de celui et de celle qui regarde. Donc réalisatrice de fiction dès la naissance du cinéma. Oui, alors vous avez rendu depuis 40 ans des hommages justement à toutes ces pionnières, qu'elles s'appellent Germaine Dulac, Agnès Varda bien évidemment, récemment saluées aux Oscars, et toutes les réalisatrices européennes. Parce que cette année, vous mettez l'accent sur cette question de l'Europe, évidemment en rendant hommage, on va en reparler, à Margaret von Trotta et à son œuvre, mais aussi à Agnieszka Holland et d'autres cinéastes européennes qui seront programmées dans cette édition du 40e anniversaire, de la 40e édition. Oui, qu'on a eu beaucoup d'émotions dans ces 40 ans de rencontrer des grandes réalisatrices comme Vera Kitilova. Check. Les petites marguerites. Voilà, Maëlle Eterni. Les petites marguerites, j'ai appris d'ailleurs en lisant l'Europe des femmes que l'hymne du MLF avait été signé, qu'on connaît tous et que je ne vais pas chanter ici, avait été signé par un groupe qui avait signé Les petites marguerites en l'occurrence lorsque cet hymne est créé. Oui, c'est un film prémonitoire, un petit peu à la Rivette et Thelma et Louise, c'est-à-dire un duo de femmes qu'on rencontre assez peu au cinéma. Les femmes à l'écran sont déjà pas nombreuses, mais en duo, on évite de les mettre parce que là, il y a une forme d'insolence et de provocation et de règlement de compte. Donc, ces petites marguerites ont été un film très, très fort passé à Créteil. C'est la fin des années 60, réalisé en Tchécoslovaquie, alors que la Tchécoslovaquie n'était pas la République tchèque d'un côté et la République slovaque de l'autre. Alors, on a choisi cette année, nous, de plutôt programmer un film de Maëlle Eterling qui s'appelle Les filles, qui est une adaptation de la pièce d'Aristophane Lysistrata. Et qui raconte l'histoire de la grève du sexe des femmes pour lutter contre le fait que les hommes font la guerre. Alors, vous avez programmé depuis longtemps des cinéastes comme Marta Mezaros, Lorenza Mazzetti, ou encore, on l'a dit, Margaret von Trotta. Ce qui est très intéressant, c'est que dans un festival comme celui-ci, vous pouvez vous permettre, avec votre antériorité, 40 années, mais aussi avec votre importance, c'est un des plus principaux festivals de films de femmes dans le monde, en l'occurrence, qui se tient à Créteil à partir de ce soir. Vous pouvez vous permettre à la fois de programmer des films, entre guillemets, un peu mainstream, un peu reconnus, et des cinéastes reconnus, mais dans cette œuvre, des films qu'on n'a encore jamais vus. Par exemple, je suis très intéressé de voir L'île de garde de Bingen de Margaret von Trotta, qui est une grande première en France, en tout cas. Voilà, ce qui est donc cette moniale médiévale, donc qui voulut, dit-on, réformer les règles monastiques au Moyen Âge, qui n'y parvint pas véritablement, qui est d'ailleurs connue dans le milieu du New Age pour tout un tas d'autres choses. Et Margaret von Trotta a fait un film sur Hildegarde de Bingen, qui n'a jamais été présenté pour l'instant en France. Non, tout à fait. Donc ce personnage haut en couleur était à la fois une grande moniale, comme vous le dites, mais aussi une femme médecin et une compositrice de musique. Et je crois même qu'elle avait d'autres talents. Et si Margaret von Trotta s'est emparée de ce personnage, on lui doit aussi un très beau portrait de Rosa Luxembourg, puisqu'elle a fait un film sur Rosa Luxembourg. Très beau portrait de Hannah Arendt. Ce sont des biopics, si on veut reprendre le terme cinématographique, mais vraiment vu avec un talent très particulier, parce que Margaret inscrit l'histoire personnelle dans la grande histoire. Et c'est ce qui nous intéressera cette année à Créteil, à travers un colloque où on a invité Michel Perrault, qui viendra parler d'une ouvrière des filatures, Lucie Baud. Lucie Baud. Voilà. Un livre absolument magistral qui s'appelle Mélancolie ouvrière. Et donc, on va être au cœur de cette problématique. Comment retrouver les femmes de l'histoire? Comment les propulser un petit peu au niveau du public à travers des films emblématiques, des grandes héroïnes? Et la définition que donne Michel Perrault de l'héroïne est vraiment formidable. Et je pense que là, on va toucher à l'essentiel de ce qu'est un film, c'est-à-dire des modèles mais ou des contre-modèles, puisqu'on est parti de la citation de Jane Fonda qui parle de la modélisation. Oui, alors tout de même, ce qui est quand même passionnant, c'est que sur 40 années, vous avez vu évoluer ce travail. J'imagine qu'il y a 40 ans, quand vous co-créez ce festival du film de femmes, qui n'est d'ailleurs pas à Créteil au tout départ. À Sceaux, avec Elisabeth Tréhard. Oui, il faut lui rendre hommage parce qu'elle a vraiment été à l'initiative du projet. Alors, quand vous le créez, ce festival, vous ne savez pas qu'il va durer 40 ans jusqu'à aujourd'hui, et peut-être on peut l'espérer encore bien plus. Et on n'est pas dans la même époque, en l'occurrence, quand vous le créez en 1979, Jacques Buet, ce festival. Pas du tout. En ce qui concerne l'Europe, en tout cas, pas du tout, parce que l'Europe est divisée pratiquement en deux. Il y a l'Europe de l'Ouest et puis l'Europe de l'Est. Donc, quand on a commencé à suivre l'évolution politique de cette Europe, on s'est rendu compte que chaque nation, on va le dire comme ça, mais comme je suis dans un milieu d'historien, je ne sais pas si le terme est approprié. Chaque nation a derrière une culture et pas forcément la référence de l'Union soviétique comme on avait l'impression que c'était à l'époque. Donc on a connu vraiment un remaniement et géographique et temporel de cette Europe, et avec des discours complètement multiples, variés. Et c'est ce qui nous a vraiment beaucoup intéressé de revenir cette année sur cette dimension. Et puis, il y a d'autres dimensions, évidemment. C'est la multiplication tout de même des réalisatrices depuis cette période. C'est vrai que quand vous faites des rétrospectives, on a bien Alice Guy qui est au tout début du cinéma, bien évidemment. Mais disons que, eh bien, on peine à trouver beaucoup de réalisatrices entre les années 1910 et 1950. Avec l'émergence après la Seconde Guerre mondiale, voilà, il y a Jacqueline Audry, mais voilà, il y a surtout après Agnès Varda et bien d'autres qui vont se succéder, Colline Serrault et bien d'autres dans la foulée justement et de la nouvelle vague et du renouvellement autour du combat des femmes. Ça a beaucoup changé depuis 79, oui, tout de même. Justement, je pense que on pourrait parler du travail de Geneviève Sellier qui a relu l'histoire du cinéma à travers les notions de genre et d'études féministes, qui sont des outils importants, je pense, pour l'histoire, et qu'on devrait aussi demander à la critique cinématographique d'utiliser plus souvent pour regarder les films. Et par exemple, quelqu'un comme Yannick Bellon, qui a vraiment une œuvre à son actif, qui est toujours vivante, hein, qui est une dame d'un certain âge maintenant, à qui on a rendu hommage l'année dernière, elle a balayé des thématiques femmes extrêmement fortes. C'est, je pense, en France, sur la question un du des viol premiers en particulier. Films sur le viol, voilà. Oui, l'amour violé. L'amour violé. Et donc, cette évolution est nette pendant ces 40 années. On voit émerger de nouvelles thématiques. Est-ce que, par exemple, le travail qui a été mené par la question, par les historiennes et les historiens, mais pas simplement d'ailleurs toutes les sciences sociales autour de la question du genre, vous l'avez vu émerger aussi, Jacques Buet, dans les problématiques, dans les discours, les débats aussi, parce que oui, ces films ne sont pas simplement des films. Et ce festival n'est pas qu'un festival, c'est un festival qui crée ses propres archives, que vous avez déposé à Alina depuis 4 ans, je crois, maintenant. 10 ans. 10 ans, ouais. Encore plus, évidemment. Oui, on a donc un matrimoine. Voilà. Et donc, justement, est-ce que cette question du genre apparaît, émerge, vous la voyez se développer? Oui, moi j'ai eu l'occasion de me confronter un tout petit peu à la critique cinématographique sur, par exemple, l'œuvre de Dorothy Arzner, qui n'est pas toujours perçue comme on pourrait avoir envie de la valoriser. Et c'est vrai que les féministes américaines et les chercheuses dans les études de genre et féministes ont revalorisé Arzner. C'est en partie grâce à elle et pas forcément aux critiques et aux historiens de cinéma que nous avons pu réhabiliter son œuvre. Donc c'est très important que ces études de genre soient soutenues parce qu'elles permettent une relecture des images. Et on est dans un langage avec l'image. Et on est un peu autodidacte. En tout cas, moi, de ma génération, j'ai appris à lire l'image en regardant les films. Bien sûr, ou en prenant les leçons d'un Marc Ferro, qui a été un des premiers, par exemple, à s'intéresser justement à cette lecture de l'image en tant qu'historien et à imaginer qu'il pouvait y avoir dans ces images autre chose que ce qu'on racontait habituellement. Et donc, vous faites des ateliers pédagogiques, par exemple, aussi. Beaucoup, parce que je pense que la chose qui va faire bouger le rapport homme-femme dans dans la société, c'est l'éducation. Et qu'il faut qu'à ce moment-là, les jeunes garçons et les jeunes filles soient instruits de ce que dit une image, de son sens et de son sens multiple, parce que dans une image, il y a beaucoup de choses qui est dites. Donc c'est essentiel et on fait ce travail avec les professeurs qui sont vraiment nos accompagnateurs. Beaucoup d'élèves vont venir à Créteil cette année. Beaucoup d'étudiants pour la première fois de Tolbiac aussi, qui travaillent d'ailleurs, eux, ils font des études sur les archives. Alors c'est très intéressant qu'ils s'intéressent aux archives du festival. J'espère que ça donnera des études et historique, des publications intéressantes. Mmh. Voilà. Alors il y a tout de même une chose qui est complexe, c'est d'à la fois de faire un festival de films de femmes, bien évidemment, et on me souligne que je n'ai pas mentionné une grande réalisatrice qu'il faut mentionner, c'est Nelly Kaplan, par exemple. Oui, mais c'est donc faire un festival qui tente de rendre comme ça cette histoire aux femmes réalisatrices, actrices, etc., tout au long du 20e siècle et du début du 21e, et en même temps d'éviter l'essentialisation, parce que ce qui est très intéressant, c'est que évidemment toute l'histoire des femmes et du genre va à l'encontre de cette essentialisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire de faire un festival de films de femmes en évitant de tomber dans cette idée qu'il y a un cinéma de femmes, par exemple, qui serait un cinéma unique, qui ait une approche unique ou qui ait une sensibilité unique, d'une certaine façon, parce que justement, ce sont des femmes qui réalisent ces films, Jacqueline Bué. Alors justement, l'intitulé du festival, je vais vous corriger, parce que tout à l'heure, vous avez dit du film de femmes. C'est un festival de films au pluriel de femmes. C'est-à-dire que, évidemment, quand on a commencé le festival en 79, on était quand même héritière du mouvement féministe, puisque nous étions des militantes féministes, Elisabeth Tréhard et moi-même, et qu'on avait envie de positiver cette signature, mais sans enfermer les femmes dans un label. Il ne s'agit pas de poser un label sur les films que nous programmons, parce qu'ils sont tous très très différents. La provenance, par exemple, culturelle est très significative. Quand on a un film d'une Indienne ou d'une Africaine ou d'une femme d'Amérique latine, ça n'a rien à voir avec un film tchèque ou un film polonais. La culture et les racines introduisent vraiment des ingrédients majeurs. Mais ce qui peut rassembler les femmes, sans les confondre les unes avec les autres, c'est que bien souvent, elles mettent en valeur une femme personnage principal, héroïne de leurs propos. Mmh. Et ça, bon, c'est quand même un point commun, mais c'est un point commun chez les hommes aussi, parce que très principalement, dans le cinéma masculin, les héros sont masculins. Mais vous semblez dire parfois, quand on vous lit, en l'occurrence Jacqueline Bué, par exemple, que le traitement de l'espace privé, oui, serait particulier chez les réalisatrices. C'est-à-dire qu'il y aurait à la fois dans les temporalités, mais aussi dans l'espace, pourrait-on dire, traité par la caméra d'une réalisatrice, quelque chose de légèrement différent. Pourtant, on peut se dire que le traitement de l'espace privé, un réalisateur comme Cazavetes ou un autre réalisateur comme Woody Allen, qui est d'ailleurs très controversé ces temps-ci, eh bien, ils en ont traité en tant que réalisateur masculin. Peut-être à certains moments, j'ai pu un petit peu analyser la notion d'espace et de temps, et surtout la séparation entre le privé et le public. Parce que c'est vrai que dans les grandes années féministes, la revendication, c'était que le privé était aussi politique. Et que, donc, d'une certaine façon, pénétrer dans la maison et dans l'enceinte privée, c'était aussi être dans la société. Et pas simplement d'être dans un enfermement où les femmes ont pu être coupées du monde. Mais moi, je faisais référence beaucoup à Chantal Akerman, qui est une cinéaste dont on n'a pas parlé, qui est essentielle pour moi, sa génération, et qui, elle, a cassé un petit peu la hiérarchie des images, en mettant, par exemple, Delphine Seyrig, grande actrice reconnue pour son talent par de nombreux cinéastes, comme une ménagère dans sa maison, épluchant ses pommes de terre, faisant sa cuisine. Et tout d'un coup, cette image... Avec un plan de 10 minutes au moins, oui, c'est ça. Un plan de 10 minutes pour éplucher les pommes de terre. Cette image du quotidien devenait la référence. Et donc, on avait une bascule dans la hiérarchie des images. Et quand même, la société est bien basée sur cette hiérarchie des rôles. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur de l'espace privé qui était révolutionné par le regard des femmes. Est-ce que, d'une certaine façon, vous avez une satisfaction? Vous avez le droit d'en avoir une, d'ailleurs, Jacqueline Bué, à vous voir rattrapée par cette actualité depuis maintenant une année, cette affaire Weinstein. C'est-à-dire que, de se dire que vous avez mené un tel combat, un tel travail, il a fallu quand même convaincre les investisseurs publics généralement pour financer un tel festival, le faire durer. On sait combien il est difficile de renouveler les subventions et on sait combien il est difficile de convaincre tout un tas de gens. Et de se dire qu'au bout du compte, vous trouvez dans l'actualité, dans le débat public, d'une certaine façon, le couronnement des préoccupations qui sont les vôtres depuis 40 ans. Oui, c'est très gentil de dire ça parce qu'en fait, je sens comme une réactivation de la motivation pour moi parce que c'est vrai que les années parfois sont difficiles. Il faut tenir à bout de bras l'événement. D'ailleurs, cette année, on a lancé un Kiss Kiss Bank. Je fais un peu de publicité parce que les moyens sont un peu en baisse. Mais ce qui s'est passé, cette énorme colère que les femmes ont laissé paraître, qui a envahi tous les plateaux et tous les médias. Ouais, et puis les rues hier à Madrid, à Barcelone, en Espagne, rues, avec voilà, ces femmes qui demandent l'égalité salariale au minimum. Légitime. Et le slogan cette année à Créteil, c'est transformer la colère en partage. C'est-à-dire, je pense très sincèrement qu'il faut que les hommes soient à nos côtés. En tout cas, ceux qui ont perçu que pour eux aussi c'était important ce changement. Il y en a, hein, heureusement. Je pense que vous en faites partie, donc merci d'être solidaire. Mais justement, vous allez présenter des films qui évoluent, qui montrent aussi une société qui évolue. Je pense par exemple au film d'Amandine Gay que vous allez présenter, documentaire sur les Black Studies, pourrait-on dire, enfin la place des femmes noires dans la société française. Eh bien, c'est aussi une nouvelle donnée qui se rajoute à toutes les données que vous avez pu collecter depuis maintenant une quarantaine d'années, Jackie Bleu. Oui, on a accordé beaucoup de place d'ailleurs aux femmes africaines à Créteil, réalisatrices africaines, comédiennes africaines comme Aïssa Maïga, qui est d'origine sénégalaise, si je ne me trompe pas. Et on a invité d'ailleurs un grand comédien, Sotigui Kouyaté, cette année-là, en duo avec Aïssa Maïga. Donc on a très envie de bousculer aussi l'image du festival qu'on pourrait avoir. Celle d'un ghetto, non, c'est pas du tout le projet. On critique généralement une histoire faite par des hommes blancs et on pourrait critiquer une histoire du festival de films de femmes faite par des femmes blanches. Des femmes blanches, voilà. Ouais. Donc, de fait, il y a deux ans, par exemple, on a eu un très beau film d'Alice Diop qui s'appelle Vers la tendresse, qui est une investigation du discours amoureux de très jeunes garçons de banlieue. Bon, c'est quand même une démarche incroyable, c'est-à-dire que les réalisatrices s'intéresse aussi aux garçons, à leur discours. Et ce qui fait la séparation des deux sexes, c'est justement qu'il n'y a pas de partage. Et donc, on va mettre en avant le partage. Et ce film, donc, Ouvrir la voie, donc, d'Amandine Gay, le documentaire de l'année dernière, qui rassemble 24 témoignages de femmes noires de France et de Belgique, j'avais oublié la Belgique, sera projeté demain à 16h, oui. C'est cela ? Avec l'une des protagonistes qui viendra dialoguer avec le public. Parce qu'à Créteil, chaque film est accompagné et chaque débat est très, très chaleureux. Oui, et donc c'est donc à Créteil à partir d'aujourd'hui, oui. En l'occurrence, ce festival du film de femmes. Julie Legac, je vous vois sourire à tout ce qui a été dit par Jackie B depuis le début de cette discussion. Vous êtes historienne, on va parler avec vous du livre que vous avez coordonné avec Fabrice Virgili, « L'Europe des femmes ». Ça rentre dans les préoccupations qui sont les vôtres, ce qui vient d'être affirmé par Jackie Bué. Oui, tout à fait. Donc, d'une part, ne pas présenter les femmes uniquement comme des objets, mais comme des actrices, des femmes qui s'imposent et qui présentent également leur vision des choses. Et puis, agir sur cette vision de séparation et montrer également à quel point la différence entre hommes et femmes est construite socialement et essayer de déconstruire cette différence. Merci Jackie Bué, vous restez avec nous. On va écouter le témoignage d'une grande artiste femme, Nikit Saint-Phal. Nikit Saint-Phal, qu'est-ce qui vous a amené à bâtir de gigantesques nanas ? Eh bien, je crois que c'était un désir de voir des hommes plus petits que ces énormes dames. C'était un désir carrément d'écraser un peu le sexe mâle dans cette société qui nous opprime. Et alors je l'ai fait d'une manière assez joyeuse, c'est-à-dire que c'était les nanas au pouvoir par la joie, au pouvoir par leur grandeur, leur force, leur joie de vivre. Celle qui est derrière vous est nettement herculéenne. Mais pourquoi dans ce grand bâti que vous avez fait d'elle, la tête est-elle aussi petite ? Eh bien, je me suis souvent demandé, et la réponse que je crois est juste, c'est que Dans notre société, nous avons tellement exagéré tout ce qui est technique, tout ce qui est la tête, que finalement, ces femmes qui sont un peu révolutionnaires, elles portent en elles le désir d'aller vers les émotions, d'aller vers les choses que nous écrasons, vers la sexualité, vers l'amour, vers la puissance régénératrice de la femme dans la mythologie. C'était tout un... Enfin, c'était au fond contre notre esprit scientifique qui nous dévore. Et technocratique. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de vos prédécesseurs, c'est-à-dire des sculpteurs qui ont fait des femmes, par exemple Mayol? J'aime bien, mais je vais vous dire que j'aimerais mieux voir une nana, par exemple, dans les Tuileries qu'à Mayol. Je trouve que ça serait plus marrant. Ça serait plus marrant d'avoir un Nikita Saint-Phal dans les Tuileries que les Mayol tels qu'ils sont exposés. C'est une archive de la télévision française. Les nanas du 19 juillet 1972, on entendait Nikita Saint-Phal dans cette émission Ombre et Lumière de Daniel Lecomte. Alors, Julie Le Gac, vous avez eu une entrée dans votre livre L'Europe des femmes sur justement les nanas de Nikita Saint-Phal. C'est ce qui nous a donné l'idée d'en parler. Et elle est assurée par un auteur, Louis-Pascal Jacquemont, ce qui prouve qu'on peut faire de l'histoire du genre et des femmes en étant un homme, en l'occurrence. Et il nous explique effectivement combien ces sacrées nanas, ces trois grâces, ont été importantes pour la révolution, disons, sociétale des années 70. Oui, mais comme l'a dit Nikita Saint-Phal, l'art, c'est la révolte, et elle a voulu, par ses nanas, occuper l'espace. Et voilà, bon, déjà, s'exprimer en tant que femme et occuper l'espace en faisant prendre, donnant de la place à ces femmes. Et ouais, on a choisi effectivement de rendre hommage à Nikita Saint-Phal et à ses sculptures, à ses nanas, en raison de l'importance qu'elle a, et elle montre la difficulté également pour les femmes artistes de s'imposer, difficulté donc, qui ne date pas du XXe. Alors, 350 pages d'histoire, donc dans un livre collectif qui s'appelle L'Europe des femmes, 18e-21e siècle, chez Perrin, que vous avez co-dirigé avec Fabrice Virgili. C'est quoi? C'est un manuel? C'est une façon de se... Parce qu'il y a une dimension manuelle. Vous donnez beaucoup de textes. Ce sont des textes qui sont commentés par des historiennes et par des historiens et qui ont visiblement pour objet de remettre cette histoire des femmes en Europe au centre de la discussion, au centre du débat, en traduisant beaucoup de textes inédits, il faut le souligner, et qui sont toujours en langue originelle et traduits. Et c'est un bel effort que de l'avoir fait pour pouvoir justement comprendre du Portugal au Yiddishland, de l'Espagne à l'Italie ou à l'Angleterre, pour comprendre justement l'évolution depuis le XVIIIe siècle de cette histoire des femmes et du genre. Alors tout d'abord, je voudrais souligner que c'est un collectif. Nous étions 12 historiennes et historiens, surtout des historiennes, mais il y a aussi deux historiens parmi notre groupe de recherche, à avoir vraiment conçu cet ouvrage, à avoir réfléchi aux thématiques, à avoir réfléchi ensemble aux textes qu'il fallait trouver. Et pour mener à bien cette entreprise qui était assez ambitieuse et assez complexe, afin de trouver toutes ces sources, nous avons fait appel à des collègues européennes et des collègues européens. Et donc il y a une soixantaine d'auteurs qui contribuent à cet ouvrage. Effectivement, c'est un ouvrage qui a deux ambitions. Ça se veut un outil pédagogique, car comme l'a rappelé Jackie Buet, il est important toujours et encore d'éduquer et de montrer ce que c'est que le genre. C'est-à-dire que c'est pas un gros mot qui a fait bondir certains il y a encore très peu de temps, mais de montrer à quel point c'est une catégorie d'analyse qui est importante et qui aide à comprendre notre présent et notre passé. Donc il y a cet outil, et c'est aussi la raison pour laquelle, dans le choix des langues, nous avons privilégier des langues qui sont plus utilisées dans l'enseignement secondaire, donc l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le russe. Mais ça ne se veut pas qu'un outil pédagogique. Ça se veut aussi une manière donc de donner parole, de donner chair à ces femmes qui sont actrices de l'histoire, même si elles sont parfois négligées. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons essayé aussi, il y a un texte en suédois, il y a un ou deux textes en polonais, il y a un texte en turc. Voilà, donc essayer de, il y a certainement des langues qui manquent, mais de couvrir aussi toute l'histoire européenne, l'histoire des Européennes et des Européens depuis le 18e siècle. Alors la vertu d'un livre comme celui-ci, c'est qu'il pourra servir de manuel effectivement pour tout un tas d'enseignants et d'enseignantes du secondaire, mais c'est aussi de faire découvrir des personnages dont on n'a absolument pas l'idée si on ne va pas dans les travaux des historiennes ou des historiens spécialisés. Moi j'ai découvert Maria Rosa Coccia, qui est une compositrice du 18e siècle italien, dont on n'a pas gardé beaucoup d'œuvres d'ailleurs, c'est souvent le cas malheureusement, et on découvre, c'est par le travail de Mélanie Traversier qu'on l'a découverte, compositrice, mais on découvre aussi Adelaide Pope avec sa jeunesse d'une ouvrière, un texte absolument extraordinaire, terrible, sur la question justement de comment résister aux abus potentiels dans un atelier. Et on sait que vous allez diffuser, Jacky Buet, le film Les Suffragettes, qui raconte cette histoire. C'est un film d'il y a 2 ans, qui raconte cette histoire de ces premières femmes qui ne veulent plus subir les assauts des hommes qui sont chefs d'atelier. C'est un texte extraordinaire de 1909 en Autriche, en l'occurrence Julie Le Gac. On est en 1909 en Autriche, et cette jeune femme, donc, qui est rentrée dans le monde du travail très tôt du fait du décès de son père, qui travaille dans les usines de métallurgie, dénonce en 1909 le harcèlement sexuel. Et c'est ce texte qui est très connu en Autriche, très peu en France, en tout cas, est d'une actualité terrible. De voir que ce cri, cette dénonciation, en fait, plus d'un siècle plus tard, la réalité est la même, comme l'ont montré certaines études très contemporaines dans le monde ouvrier. Alors, vous disiez un texte en suédois, c'est Fifi Brunacier. Tout à fait. Alors voilà, effectivement, quand on se dit, tiens, pourquoi dans l'Europe des femmes mettre Fifi Brindacier ? Ben parce que effectivement, c'est un texte de 1945 qui montre effectivement qu'une jeune fille peut se comporter en héroïne au même titre qu'un jeune garçon, en l'occurrence. Oui, alors Fifi Brindacier, la Suède, grande patrie du féminisme, et c'est vrai qu'on a choisi Fifi Brindacier pour montrer aussi comment dans les romans, dans la littérature pour enfants, il peut y avoir des héroïnes féministes. Et cette petite Fifi qui décide de se comporter comme un garçon, de se comporter de manière indépendante. Et l'extrait qu'elle choisit souligne aussi les difficultés que cela a pour cette jeune enfant. Alors vous êtes historienne des combats, historienne de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de la remontée de la botte italienne par les troupes françaises. Vous avez écrit un grand livre sur ces combats autour de Monte Cassino qui sont des combats dont on peut dire qu'ils sont parfois aussi, ils sont glorieux et honteux à la fois, parce qu'ils ont été des combats qui ont marqué la domination masculine sur les femmes italiennes qui ont été violées à l'issue de ces combats ou pendant ces combats en l'occurrence. Et donc, il y a une grosse section consacrée à cette question des masculinités, des féminités autour des guerres. Fabrice Virgili analyse avec beaucoup de finesse le chant du départ, par exemple. Je ne savais pas, j'avais chanté comme tous les enfants de mon âge le premier couplet et le refrain, mais je ne savais pas qu'il y avait dans le chant du départ une place faite à la mère de famille, mais aussi à la jeune fille, sœur des héros. Nous qui de l'hyménée ignorons les aimables nœuds, si pour s'unir un jour à notre destinée les citoyens forment des vœux, qu'ils reviennent dans nos murailles beaux de gloire et de liberté, et que leur sang dans les batailles est coulé pour l'égalité. Donc il y a des couplets qui sont écrits par Chénier dans ce chant du départ et qui montrent en creux d'une certaine façon ce qu'on attend des hommes et ce qu'on attend des femmes dans le combat guerrier, par exemple. Le soutien de l'un côté et d'autre côté la virilité triomphante et la force. Oui, voilà, c'est l'exaltation de cette virilité guerrière, d'hommes infaillibles qui doivent combattre, qui doivent vaincre, tandis que la femme appartient à la paix, appartient à la société civile et doit soutenir. Et ce qui a expliqué pendant très longtemps l'exclusion des femmes du champ de bataille, enfin une exclusion qui se crée au 19e siècle et qui, au cours du 20e siècle, va progressivement s'amenuiser. Et d'ailleurs, il y a un autre texte qui le montre bien dans cet ouvrage. C'est un texte sur les snipeuses soviétiques. Mmh. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, où là, des femmes vont combattre, vont prendre les armes. Et au cours de la Seconde Guerre mondiale, il y a certes dans beaucoup d'armées des femmes intégrées, mais c'est seulement dans l'armée soviétique qu'elles portent les armes et qu'elles combattent. Et qu'elles sont aussi célébrées en héroïne, même si cela reste une pratique assez minoritaire. Et dans ces questions justement de guerre et de paix, vous rappelez le souvenir, c'est Anne-Laure Briatte qui le rappelle, d'une grande femme qui a d'ailleurs été couronnée, première femme prix Nobel de la paix en l'occurrence. Elle s'appelait Bertha von Suttner. Donc, et Bertha von Suttner, vous en traduisez un texte qui s'appelle « La dernière lettre de Bertha von Suttner aux femmes allemandes » le 1er août 14, où elle est tout à fait intéressante parce qu'elle explique que ce pacifisme qu'on attribue généralement aux femmes, il n'est pas aussi évident que cela. C'est-à-dire que ce pacifisme, il y a aussi de l'autre côté des femmes qui sont des femmes qui soutiennent les combats, qui soutiennent la guerre, qui veulent absolument faire rendre gorge à l'adversaire, et qu'il n'y a pas une position des femmes sur la paix ou sur la guerre, dit-elle Bertha von Suttner. Oui, elle essaie d'aller contre cette idée selon laquelle les femmes seraient naturellement, par nature, pacifistes et les hommes seraient plus bellicistes. Et donc, c'est le cœur de son combat contre la guerre. Combat donc qu'elle ne parviendra pas à mener à bien. Voilà, mais heureusement, pas plus que Jaurès de son côté. Voilà, mais heureusement pour elle, elle meurt avant le début des hostilités en 1914. Oui, et donc c'est une femme très importante, très intéressante. Parce qu'il y a aussi dans ce travail que vous menez avec d'autres historiennes et historiens, Julie Legac, la volonté de refaire remonter sur le devant de la scène des personnages importants qui ont été largement oubliés et dont l'historiographie n'a pas gardé la trace alors qu'ils ont eu une importance très importante. Elles ont eu une importance très importante à leur époque. Oui, ben alors, c'est effectivement le cas de Bertha von Suttner, qui est un peu connue en France. On peut penser évidemment à Adelheid Popp également. Et c'était cette idée, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples en tête, mais de montrer voilà, qu'elles sont actrices, qu'elles sont importantes, qu'elles ont contribué à faire évoluer les sociétés européennes. Et sortir d'un roman national qui les met un peu de côté. Un des plus beaux textes que j'ai trouvé, que je ne connaissais absolument pas, mais qui est visiblement très connu au Portugal parce qu'il a été très débattu au moment où il a été publié, c'est un texte de 1972 qui s'appelle « La révolte des trois Maria ». Et c'est une jeune femme qui écrit à sa mère et lui écrit des mots absolument incroyables. « Il se peut que je vous parle d'amour ou bien de mort ou de clôture. Celle à laquelle vous m'avez voué quand j'étais encore petite fille, si bien parée, paisiblement mise, et de mon habit, celui qui me revêt et celui que j'ai acquis par moi-même et à travers moi-même, par lui aussi, en dépit de toute cette distance qui s'est faite maintenant. La mère étant entre nous, je pense être oubliée, inévitablement, moi je l'oublie, il m'oublie de même, oubliée une fois pour toute votre peur, car plus rien ne peut m'arriver dans ce monde, sinon de vivre seul par l'imagination et de me lamenter de mon sort contraire. » Je passe un peu et elle dit « Sachez, madame ma mère, que rien de ce qui est vôtre ne compte pour moi. Ni les pensées, ni les coutumes. Coutumes qu'en dépit de tout et cependant je continue à accepter à cause des lois et par lâcheté, puisque j'accepte cet état où vous m'avez établi en accord avec mon père pour n'être pas né homme et parce que j'étais un obstacle pour mon frère et pour ma sœur à cause de ma dot. Après cela, ma sœur a pu trouver un mari qui l'accepte en dépit de sa laideur et moi, je ne vous ai rien coûté de plus qu'un accouchement et les colères qui vous sont venues par la suite quand vous avez appris que j'étais aimé et possédé de corps contre vos ordres, contre votre commandement et contre vos volontés, en dépit même de vos menaces. » C'est signé de trois noms, ce sont les nouvelles lettres portugaises, et c'est traduit du portugais par Vera Alves da Nobrega, donc, et c'est signé de Maria Isabel Barreno, de Maria Teresa Horta et de Maria Velho da Costa. Ça a fait un énorme scandale dans le Portugal salazariste des années 70. C'est un texte absolument formidable. C'est un texte magnifique. Qui se prononce, voilà, qui dénonce le conservatisme de la société portugaise sous Salazar, mais qui dénonce aussi le rôle qu'ont les femmes et qu'ont les mères dans la reproduction de ce système, dans la conservation de ce système. Et c'est vrai que c'est un très beau texte, et un texte politique important, et qui a eu un rôle important au Portugal, mais qui s'est aussi traduit assez vite. Oui, parce que par Monique Wittig en particulier, dans les années 70. Alors, c'est un livre qui peut servir de documentation, pourrait-on dire. Il est agréable à lire parce que ce sont des tout petits chapitres commentés. Mais il peut servir de documentation pour préparer des cours en particulier. Et vous n'y intégrez pas que des textes, vous y intégrez parfois des images. Les nanas dont on parlait au début, c'est donc une photo commentée en l'occurrence. Mais il y a aussi par exemple cet exemple de la petite robe noire de Chanel, donc où vous partez d'un dessin, la ligne simple, donc telle qu'elle est décrite dans un Vogue de 1926, pour pouvoir justement travailler sur la figure d'une femme couturière, Coco Chanel, et dont on raconte, Louis-Pascal Jacquemont raconte brièvement la vie pour montrer effectivement combien elle a su, après la Première Guerre mondiale, tirer parti de ce noir de deuil dans lequel les femmes étaient contraintes de se vêtir, pour le transformer en instrument de mode. Le noir est obligatoire pour toutes ces veuves d'après la Première Guerre mondiale. Eh bien, on va les embellir, entre guillemets, en tout cas, on va les transformer par une robe qui ne sera pas une robe qui les enferrera dans ce statut de veuve. Oui, voilà, c'est un autre exemple de montrer ces femmes créatrices. Donc c'est un exemple très connu, et c'est une femme qui a révolutionné la mode, qui a proposé des vêtements beaucoup plus modernes pour les femmes, et donc qui a contribué à transformer le quotidien des femmes, enfin, le quotidien plutôt des femmes bourgeoises, certes, mais qui a quand même transformé le quotidien et l'image des femmes en France et en Europe. Est-ce que vous savez, parce que ce livre est sorti il y a un peu plus de 6 mois maintenant, l'usage qui en est fait? Est-ce que vous avez déjà un retour de cet usage, ou est-ce que c'est encore trop tôt que pour le savoir, en l'occurrence? Alors, Julie Le Gac. On sait que, c'est un petit peu tôt, mais on sait que certains l'utilisent, picorent dedans, choisissent, lisent des extraits, s'amusent avec, voilà, c'est un usage. On a également échangé avec quelques professeurs du secondaire qui ils voient la possibilité d'utiliser des sources, notamment des professeurs de langue dans le secondaire, mais on n'a pas encore véritablement de retour, voilà, et je pense qu'il faudrait construire une relation pédagogique aussi autour de ce livre. Jacques Hibou, qu'est-ce qu'on peut faire d'un livre comme ça? J'ai déjà plein d'idées. Moi, d'abord, je me disais que chaque réalisatrice devrait lire ce livre, parce que c'est une source d'inspiration formidable pour des personnages de cinéma. Et il faudrait déposer un exemplaire dans les écoles de cinéma, parce que là aussi, il y a un travail à faire radical pour rénover les rôles. Et là, je pense qu'on ferait plus que picorer. C'est très, très riche. Formidable. Et donc, vous avez toujours maintenu à Créteil ce lien avec les chercheuses, les chercheurs. Vous n'avez jamais voulu vous enferrer dans le festival de films de femmes de Créteil, dans le simple festival de cinéma pour cinéastes et pour actrices et réalisatrices, en l'occurrence. Non, je pense que c'était très important de lier ce festival avec des idées nouvelles, avec des chercheurs, avec des chercheuses, des historiens, des historiennes, pour que les choses bougent, et on a besoin de se fédérer dans différents secteurs de la culture. On est situé dans une maison de la culture, mais les maisons de la culture telles qu'elles ont été conçues, c'est la rencontre des arts et de la modernité avec le plus large public. C'était le projet d'origine. Mais on est toujours un peu marqué par ce projet d'origine. Et moi, j'aime ce pari. Et ce pari, il est tenable à partir du moment où chacun et chacune fait le pas vers l'autre et accepte justement de ne pas s'enferrer dans sa discipline, parce qu'on parle beaucoup de transdisciplinarité qui est rarement mise en œuvre, il faut quand même le dire, dans nos disciplines historiques en particulier ou de sciences sociales, elle est tentée, mais souvent on en parle plus qu'on en fait. C'est un peu la même chose pour le cinéma, en l'occurrence, Jacques Hibou. Oui, d'ailleurs j'ai noté que la couverture du livre, c'était une femme sur une passerelle métallique qui tenait une caméra, et je me suis dit, cette image est extraordinaire. Je sais pas d'où elle vient. Je crois que c'est une photo allemande. C'est une photo allemande, c'est, oui. Voilà, c'est une journaliste, mais elle vient des archives allemandes. Elle n'est pas identifiée dans ces, c'est assez rare. Par exemple, c'est 1910 quand même. Ouais, on a rendu hommage de multiples fois aux femmes grands reporters. Donc on n'est pas seulement dans le secteur du cinéma pur et dur où c'est quand même un domaine privé et privatisé par les hommes et les grosses finances. On est aussi dans les marges. Et dans ces marges-là, on rencontre des femmes extraordinaires. Et donc, on veut absolument rester très, très ouvert à tous les secteurs de la culture, de la recherche, de la pensée scientifique, On voit très bien l'objet de votre robe des femmes avec bien d'autres, Julie Ogac, c'est-à-dire c'est de populariser ce travail des chercheuses et des chercheurs sur les femmes et le genre auprès d'un plus large public. C'est aussi le projet de l'association Mnemosyne qui l'a coédité avec le LabEx, le laboratoire, pour écrire une histoire nouvelle de l'Europe. Qui a fait, il y a quelques années de cela, un manuel pour donc les classes qui s'appelle La place des femmes dans l'histoire, je crois. Je ne sais plus comment... Oui, c'est la place des femmes dans l'histoire. C'est en 2010 que ce manuel est paru, si ma mémoire est bonne, co-dirigé notamment par Françoise Thébault. Et donc ça se situe un petit peu dans la suite. Un manuel qui avait pour but de reprendre les programmes du secondaire et de montrer à chaque fois sur chacune des thématiques quelle était la place des femmes dans cette histoire et de montrer comment on pouvait leur redonner leur place. Et donc là, c'est un petit peu la suite, mais avec une échelle européenne, c'est ce qui nous importait. Merci beaucoup à vous deux. Merci Jackie Bué. On souhaite donc bon 40e anniversaire au Festival du film de femmes de Créteil qui commence aujourd'hui. Donc, et merci à vous, Julie Legac, qui avait dirigé avec Fabrice Virgili l'Europe des femmes chez Perrin. Merci Il beaucoup. Est temps maintenant, dans la fabrique de l'histoire d'aujourd'hui, comme tous les vendredis, de partir pour écouter un texte tiré du site Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Nous allons partir dans les années 30, un grand texte sur le lynchage. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Paris Soir. 14 octobre 1937. La loi de Lynch. En 55 ans, 4674 nègres ont été brûlés. Sur ce nombre, plus de 500 étaient sûrement innocents. Plus de 3000, même coupables, n'auraient pas été condamnés à mort. De notre envoyé spécial, Kurt Riss. Hazard, Perry County, Rex Scott, nègre, accusé d'avoir frappé un blanc, arraché à la police, pendu et fusillé. Lambert, Bolivar County, Joey Love et Isaac Thomas, nègres, accusés d'une tentative de viol, arraché à la police et pendu. Pelahatchie, Rankin County, Henry Bedford, nègre, flagellé à mort pour avoir parlé irrespectueusement à un blanc. Des exemples comme ça, me dit Monsieur Taguère. Vous en trouverez des milliers. Monsieur Taguère est dentiste à Birmingham. C'est un nègre intelligent et cultivé qui souffre dans sa chair toutes les souffrances de sa race. Je suis venu dans son bureau pour parcourir la documentation qu'il a accumulée sur les cas de lynchage. Et je me replonge dans ses dossiers, où ce ne sont que comptes rendus effroyables, cruautés, atrocités, crimes anonymes. En bas dans la rue, j'entends des enfants s'amuser et chanter. J'ai des ailes, tu as des ailes, tous les enfants de Dieu ont des ailes. Sous mes yeux, les méfaits se succèdent. Ça devient monotone à force d'être toujours abominable. Et toujours cette même phrase qui revient obsédante pour clore les récits rouges. On ne fit enlever le cadavre qu'à la tombée de la nuit. Fusillade, pendaison, lapidation, noyade, flagellation, supplice. Les statistiques révèlent que 78,4% de l'ensemble des nègres qui ont été lynchés au cours des 50 dernières années ont été accusés de crimes jamais prouvés, dont aucun légalement jugé, même devant la cour la plus sévère, n'aurait pu entraîner la peine de mort. Les statistiques disent en outre que 11% des nègres lynchés n'ont été accusés d'aucun crime. Taguère prend la parole. Une seule fois, on nous a traités sur un pied d'égalité avec les autres Américains, Ce fut pendant la Grande Guerre. On nous a permis de mourir pour notre patrie comme les Blancs. Mais à peine la guerre finie, la population du Sud eut peur que les Nègres ne se figurent avoir gagné l'égalité des droits par le gage de leur vie. Les activités du Ku Klux Klan reprirent de plus belle. Dès 1919, on lynchait 10 Nègres qui venaient de rentrer dans leur foyer. Ils portaient encore l'uniforme. En 55 ans, 4674 Nègres, proies de la foule en furie, ont subi l'atroce loi de lynch. Toute une forêt humaine en flammes. Daguerre, derrière moi, fait entendre un rire amer. Vous venez d'avoir la preuve de l'incroyable sauvagerie des soi-disant civilisés. Quand je sors le matin, je ne sais jamais si je reviendrai le soir. Dehors, le crépuscule. Seul, au coin de la rue, un vieux nègre continue, imperturbablement, à gratter son banjo. Et le voilà qui entonne la vieille chanson nègre, empreinte de mélancolie et d'espoir. « J'ai des ailes, tu as des ailes, tous les enfants de Dieu ont des ailes. » Calme plat, une phrase bourdonne dans mes oreilles. On ne fit enlever le cadavre qu'à la tombée de la nuit. Voilà donc pour ce Rétro News que vous pouvez réécouter bien entendu sur le site de France Culture. Il était lu ce texte de Kurt Ries, donc de 1936, par Daniel Königsberg et il a été réalisé par Séverine Cassard. Vous pouvez bien entendu aussi aller sur le site de Rétro News, le site de la Bibliothèque Nationale de France pour pouvoir compléter cette lecture par la lecture du texte entier qui est bien plus ample que ce qu'on vient d'écouter. Cette émission comme toutes les autres était préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marcet, Nicolas Delmas était avec nous aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlerons du destin des images, comment une image peut-elle évoluer dans le temps, sur des décennies ou sur des siècles. Ça sera le thème de notre émission de la semaine prochaine. Et puis l'histoire continue bien évidemment, vous le savez, sur France Culture le week-end et en particulier le samedi avec Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet. Il traitera demain de l'histoire du sucre avec Florent Quellier.